chanson qui s'appelle Kid in the Man Suit, ça veut dire littéralement un enfant dans un costume d'homme. C'est une chanson qui parle de la paternité, de comment ça peut changer un homme d'avoir des enfants. En gros, dans le premier couplet, je suis tout seul, un peu foufou. Dans le deuxième, il y a ma femme qui arrive. Dans le troisième, il y a mon premier enfant qui arrive. Et dans le dernier couplet, c'est ma fille. C'est autobiographique. Comment ? Autobiographique. Voilà. Ouais. Il y a quelques chansons un peu autobiographiques. Like in an angel. Few days nombreux à vous demander, est-ce qu'il va y avoir du monde de... Oui, on a bien fait. Je pense qu'on a bien fait. Cool, merci. La prochaine chanson s'appelle What If, c'est un des derniers textes que j'ai écrit, co-écrit. On est deux à écrire les textes sur ce projet-là. Je travaille avec une amie qui est professeure d'anglais dans un lycée. Donc voilà, c'est... s'il y a des bilingues parmi vous, vous n'entendrez pas de faute grammaticale. Normalement, c'est propre. Oh là, c'est risqué, là, non ? Et voilà, donc j'écris avec elle, elle m'amène plein de choses. C'est vraiment très enrichissant pour moi d'écrire avec quelqu'un qui ne soit pas de ma génération non plus, qui a plein d'avantages. Et surtout, c'est son talent d'écriture en anglais, une connaissance de la langue, qui permet d'écrire avec plein de vocabulaire que j'aurais pas amené moi-même. La prochaine chanson, donc What If, c'est une chanson de regret, là pour le coup c'est pas vraiment autobiographique, mais bon, ça fait un peu partie du décorum de la musique un peu folk rock, où on écrit des chansons tristes, et puis j'en écris aussi un petit peu. Donc What If, c'est une chanson de regret de, voilà, d'un couple qui se serait mis ensemble trop tôt, trop jeune, sans vraiment avoir fini de se construire soi-même, et du coup, voilà, qui se racontent un peu des histoires l'un à l'autre, qui veulent se montrer plus beaux qu'ils ne le sont. Et puis bah, souvent, ces histoires-là, ça marche pas très bien.